des profondeurs impies de cette étendue d'eau. Entre l'Italie et la Suisse sommeillait un démon issu des cultures dangereuses de nos bourreaux. Ornement garanti, mal-être à profusion. Le lac est limpide, mais le sang est dégénéré. Il blesse les gens intrépides. Se réveiller. Les gens se baignaient tranquillement jusqu'à ce que les dents du lac surgissent pour mordre et blesser des baigneurs pleurant de peur devant cet animal. De malice, malice. De se réveiller.